قبل أن نبدأ هناك أمر ونحتاج بعض الإخوة أو واحدا منهم لترجمة رسالة مفيدة من أحد المشايخ وهي رسالة نافعة في فضل الحجاب وأحد المشايخ طلب مني أن أترجمها وأنتم تعرفون أنني مشغول غاية ما أستطيع حتى يعني ماذا أعتني بأولادي فضلا أن أترجم شيئا آخر عرفت فقلنا ربما نختار واحدا منكم إما مسلم إما محمد إما مدي إما أنت عبد الملك أحدكم الأربع ونفوض إليكم الله وأنت يا يزيد ترجمت رسالة في فضل الحجاب ها ترى نفسك هي صغيرة صغيرة ربما يعني 15 صفحات وكذا ها طيب خلاص ان شاء الله بعد الدرس نتواصل طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب انتهينا من ذكر أدلة القول بماذا في اي مسألة نحن فيها يا محمد ما حضرت ايوه يمكن نعم نعم ومن أدلة القائلين على أنه ليس بشرط على الإسلام آيتان من القرآن نعم آية واضحة وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم نعم تغلبون. أحسنت وما هو الشاهد من الآية أن القرآن كان موجود في تلك الزمن وهذه الآية حجة أن إقامة الحجة قد تكون بالمكان نعم بالمكان لأنهم ما سمعوا القرآن بل قالوا لا تسمعوا هذا القرآن والله سبحانه وتعالى سماهم كفارا وإن لم يعني يسمعوا إنما كفرهم بحجة التمكن من العلم donc Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus mécréants car ils avaient la possibilité de s'instruire mais ils n'ont pas voulu ils ont préféré ne pas écouter ce Coran donc celui qui vit en terre d'islam et qui tombe dans des shirkiyats ou dans des kufriyats qui sont wadiha que tout un chacun parmi les musulmans connaissent alors Yani les gens ou les ulama qui voient cet avis, ils disent qu'il n'est pas pardonnable par l'ignorance. Naam, et كذلك قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والقطعة في سبب نزول هذه الآية كل هذا تدل على هذا القول. نعم. طيب فالآن سنأخذ أدلة القائلين بماذا؟ أنه ليس بشرط إقامة الحجة ليس بشرط ليس بشرط ولا هو الشرط؟ ليس بشرط الآن انتهينا من أدلة أن يعني إقامة الحجة لا يشترط في مسائل الظاهرة أما الآن سنسوق الأدلة على أنه شرط حتى وإن كانت في مسائل التوحيد عرفتم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال وأدلة من أطلق القول بشرطية إقامة الحجة عموما قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا parmi les preuves des gens qui disent qu'il est obligatoire d'établir la preuve, même si on est en terre d'islam, même si la personne elle est censée connaître, il faut quand même lui établir la preuve. Le verset 15 de surat Al-Isra, le voyage nocturne. Le verset 15 de surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » Et certes, nous ne châtions pas avant d'envoyer un messager. وَمَا هُوَ شَاهِدْ مِنَ الْآيَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. C'est quoi la chose du verset qui indique comme quoi il qamat al-hujja la bout d'amen. Hatta nab'atha rasoula. Allah subhanahu wa ta'ala nafa al-adab. Nafa al-adab wal-intiqab. Hatta ya'tiya al-rasoul. Wa yani bima'na يعني حتى يأتي إقامة الحجة حتى تأتي إقامة الحجة. نعم. طيب وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. C'est le même verset qu'on a évoqué au début de يعني sur le fait comme quoi il est obligatoire de faire إقامة الحجة. نعم. C'est le verset 165 de la sourate سورة النساء. وكذلك وهذا أوضح قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا verset est encore plus clair pour dire que إقامة الحجة le fait d'établir la preuve c'est dans toute les masa'il, dans tous les points de la religion. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et lorsqu'une partie, et lorsqu'une communauté, ou une partie d'entre eux, dit, pourquoi vous sermonnez un peuple qu'Allah va châtier? Pourquoi vous sermonnez un peuple qu'Allah va châtier? Pourquoi vous sermonnez un peuple qu'Allah va châtier? Voilà, ils ont répondu, c'est-à-dire ceux qui faisaient qui conseillaient ce peuple, ils ont répondu ma'adiratan au na'am. Qalu ma'adiratan ila rabbikum. Afin d'avoir un prétexte ou d'avoir une excuse auprès de votre Seigneur. Et aussi parce que il se peut qu'ils deviennent pieux, ces gens-là. Na'am. فهؤلاء النصحاء بذلوا جهدهم في النصح والتوجيه وإقامة الحجة لغرضين اثنين كما بينه ربنا جل وعلا في هذه الآية. Donc ces gens qui sermonnaient les autres, ils ont fait cela pour deux causes. الغرض الأول معذرة إلى ربهم, de manière à ce que il n'y ait plus d'excuses devant Allah Azza wa Jal. Et les taqta'a al-udr. Et afin que se coupe le prétexte de toute min jami' al-nawahi, de toutes parts. C'est-à-dire, là on leur établit la preuve de manière à ce que, après cela, ils n'auront aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, والغرض الثاني لعلهم يتقون أي لعلهم ينتبهون على ما وقعوا فيه من الشرك أو كفر من شرك أو كفر أو بدعة أو فسق. نعم. Donc en gros ce verset là il montre bien ou il indique bien que إقامة الحجة c'est une chose qui doit être faite même si ce sont dans des points qui sont évidents. Des points qui sont ma'loum min ad-din bid-darura. Naam. Wa fi al-hadith wa laysa ahadun ahabba ilayhi al-'udhr min Allah min ajli dhalika anzala al-kitab wa arsala ar-rusul. Donc le hadith on l'a déjà vu. Mais tout ça fait partie des preuves de ceux qui disent non. Même si c'est des points de la religion qui sont connus de tout un chacun, et que la personne elle est en terre d'islam, elle se doit, on doit lui faire iqamat al-hujja avant de dire que elle est sortie de l'islam, ou elle est sortie de la sunna, c'est-à-dire elle est devenue innovatrice ou autre. Non. فهذا نص صريح على أن الله يحب التماس الأعذار لجميع خلقه حتى يرحم به من يشاء بفضله وإحسانه ويعذب من يشاء بعدله وقسطه. Donc ce hadith là, qu'on vient de voir, qu'il n'y a pas une personne qui aime plus trouver des excuses à autrui qu'Allah. Et c'est pourquoi il a fait descendre le livre, et c'est pourquoi il a envoyé les messagers. Donc ça c'est aussi un texte qui est clair, qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime trouver des excuses pour la plupart de ses créatures. Non. Afin de faire miséricorde à qui il veut, de par un bienfait et une excellence de lui, et de châtier qui il veut de par une justice et une droiture de sa part. وكذلك من مقاصد الشرع بناء الأحكام من على اليقين لا على الظن والاحتمال. Et aussi parmi les preuves que ces savants ont inventées, le fait d'affirmer des jugements avec certitude, et non pas se baser sur un dhan. Oui, ben comme il est en terre d'islam, normalement il devrait savoir ça. Quoi qu'il arrive, ça reste un dhan. Quoi qu'il arrive, ça reste une pensée. Non. Et ce n'est pas une certitude. Tandis que quand tu fais le bayan, quand tu lui expliques la chose et lui il réfute après, là tu es sûr de toi. Tu es sûr que la preuve lui est venue et il s'en est détourné. Non. فكما أنه لا يثبت شهادة الشهود الأربع في شأن الزنا إلا برؤية التقاء الختانين إلا برؤية التقاء الختانين حتى يقوى فيما أو حتى يقوى فيها اليقين حيث أن وراء ذلك أحكام أخرى قد تفضي بالمخالف إلى القتل وما دونه من التعزير أو من تعزير فكذلك في مسألة التكفير لا بد أن يتحرى اليقين الجازم ولا يكتفي بحجة التمكن أو حجة المكان. طيب كذلك فأوسي سي une des paroles avec laquelle on réfute ceux qui prétendent qu'il n'y a pas besoin de faire iqamat al-hujja dans les points qui sont clairs de la religion. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a imposé que pour prendre le témoignage dans les histoires pour affirmer qu'une femme ou qu'un homme a trompé sa femme, pour prendre le témoignage de ceux qui affirment cela, il faut qu'ils soient quatre. Et il faut que ces quatre-là aient vu les parties de l'homme rentrer dans les parties de la femme. Il faut qu'ils aient vu le gland qui disparaît dans les parties de la femme. Non. S'ils n'ont pas vu ça, même s'ils ont vu, les deux corps se coller, mais ils n'ont pas vu avec certitude les parties de l'homme rentrer dans les parties de la femme, là ils recouvrent la shahadat. Là ils recouvrent la shahadat. Leur shahada n'est pas acceptée. Non. Et tout ça, ça montre quoi? Ça montre que cette religion, elle est vraiment basée sur des choses qui sont sûres, afin qu'il n'y ait pas de doute. Pourquoi? Parce que ça, Mas'ala Tazina, après, derrière cette Mas'ala, il y a des gens qui vont mourir. Non. C'est-à-dire les deux personnes, si toutefois la femme elle est mariée et l'homme aussi, alors ces deux-là, ils vont mourir. Mais pour pas qu'ils partent comme ça, que leur sang soit versé, sans une certitude, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré qu'on ramène quatre témoins et que ces quatre témoins aient vu. Si tu n'en as qu'un seul qui a vu ça, et que les trois n'ont pas vu, maintenant, la tuqbal. Shahada ma tuqbal. Non. Fahada, il a kan hada, c'est mas'alat al-zina. ففي مسألة التكفير أشد. نعم. Si Allah سبحانه وتعالى a voulu qu'on soit vraiment sûr sur des points comme la fornication. Alors dans une مسألة où tu peux sortir quelqu'un d'islam qui est encore plus grand, c'est Mimba bin Aula. C'est encore plus préférable. Non. Plus obligatoire plutôt. Non. ولا في حديث ابن ابي بلتعه رضي الله عنه ما يرد على ما يرد على ذلك من جهه et aussi dans le hadith ابن ابي بلتعه le compagnon que le prophète صلى الله عليه وسلم يعني c'est un compagnon qui était informé que le prophète صلى الله عليه وسلم allait s'avancer pour conquérir la Mecque. Et ce compagnon-là, il avait des biens à la Mecque. Il avait des biens qu'il voulait protéger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévenu, il a voulu prévenir les Quraysh de l'avancée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est considéré comme, yani, si ce ne serait pas ce compagnon-là, son œuvre-là, c'est du kufr. Comme on va le voir. Ça fait partie de mu'alat al-kuffar ala al-muslimin. Son fi'l, c'est de kufr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas kafar. Non. Il ne l'a pas kafar, mais il a attendu qu'il lui explique c'est quoi son affaire. Pourquoi tu as fait ça? Non. Et là, on aurait pu dire qu'il était au milieu des ulama. Hatib ibn Abi Balta'a. Il était au milieu des ulama. Au milieu des gens de science, au milieu dans une terre, avec un yani plein de science. Parce qu'il a le prophète alayhi salatu wa salam, wa Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa jami' al-sahaba, mawjoudin. Wa ma'a dhalika, ma kaffarahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Lakin, qad yuqal, même si on dit ça, il se peut qu'on nous réfute sur cette affaire par le fait que Khalid ibn al-Walid ou Omar ibn al-Khattab, lorsque ils ont su qu'il avait fait ça, qu'il avait envoyé une lettre pour prévenir, un d'entre eux, il a dit, oh prophète d'Allah, laisse-moi taper la nuque de ce munafiq. Laisse-moi frapper la nuque de ce munafiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas réfuté que la parole munafiq, yani le tafsir de ce compagnon. Naam. Fa hadhihi al-qissa kadhalik muhtamila. On peut prendre du côté de ceux qui disent que adam iqamat al-hujja, et on peut prendre de ceux qui disent comme quoi la budda min iqamat al-hujja. Mafhoum? Fahamt ya Abdoul? Naam. Wa kana hadha as-sahaba من أهل بدر. ouais, نعم. وهذا الصحابي من أهل بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. son acte, لا. Si on prend la parole de ceux qui disent que dans les affaires qui sont claires, il n'y a pas d'iqamat al-hujja. Mubasharatan taqul hadha kufr. Araf taqul hadha kufr wa fa'iluhu kafir. Si on prend la parole, parce que l'œuvre dans laquelle il est tombé c'est une œuvre qui fait partie des masa'il wadiha, wahira, qui sont claires. Et il est en terre d'islam. Belle dans la meilleure terre d'islam. La qulna kuf. Yani kafar. Wa ala al qawl al-thani, la budda min إقامة الحجة. نعم. وكما ذكر عبد الملك هذا من الصحابة الجليل يعني الأدلة من الصحابة الأدلة حيث شاهد بدرا. C'est un des compagnons qui a assisté à la bataille de Badr. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a informé que Allah سبحانه وتعالى a dit en concernant les gens de Badr, œuvrez comme vous voulez, certes je vous aurai pardonné. Donc les salaf, quand ils voulaient classer les mérites des sahaba, d'abord ils les classaient comme ça. Ils commençaient par les quatre califes. Abu Bakr, awwaluhum, bil ijma', khairuhum Abu Bakr. Ensuite Omar, kadhalik ijma'. Ensuite Uthman wa Ali. Hada ikhtalafu. Ikhtalafu ahl al-'ilm. يعني سكين لما يعطى عليه عثمان بيونا حديث وآثار عبد الله بن عمر كي دي durant la vie du prophète صلى الله عليه وسلم on avait l'habitude de choisir Abu Bakr après Omar et après Uthman. Ça c'est durant la vie du prophète صلى الله عليه وسلم les compagnons ils avaient l'habitude de dire celui-là il est meilleur que celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Donc les quatre califes, ensuite les 10 qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallam a nommé dans un même hadith. C'est-à-dire les quatre califes plus les six autres. Qui sont Al-Zubayr ibn Awan. Talha ibn Ubaidillah. Ubaidat ibn Samit. Ubaidillah. عبد الرحمن بن وقاص عبد الرحمن بن عوف طيب كم الان خمسه سعد بن أبي وقاص ما سعد بن أبي وقاص هذا ذكر زيد بن ثابت هؤلاء العشر c'est les meilleurs des compagnons. Ensuite après ce groupe là ils disent tous les compagnons qui ont assisté à Badr, tous les compagnons qui ont assisté à la bataille de Badr et ensuite à la bataille de Uhud. Hada, il fait partie des meilleurs des compagnons. Il fait partie des meilleurs compagnons parce qu'il a assisté à la bataille de Badr. On est passé par le Badr. Adam et Naoum, ils se trouvent là. On a fait un peu de travail. On a fait un peu de travail. خلاص نستمع نواصل إذن. طيب فإن حاطبا كان من الذين هاجروا وشهدوا بدر فكان ساكنا المدينة النبوية بجوار عالم الأعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار أعلم الناس بعد الأنبياء الذين هم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي أبو الحسنين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وتمكن من أخذ العلم عنهم ومع ذلك وقع في ذنب معلوم لدي الصحابة آنذاك أنه نفاق أكبر ناقل عن الملة وقد يقال نعم. Donc حاطب بن أبي بلتعة dans ce récit là il est tombé dans une chose qui était معلوم بين يدي الصحابة qui était connue chez les compagnons que cette chose là c'est du نفاق أكبر c'est l'hypocrisie أكبر mais مع ذلك ما كفروا يعني ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب ف يعني قد يقال انه عذر بجهله. Donc là on peut dire qu'il a été pardonné ou excusé par son ignorance. Même si toutefois il était dans un endroit de science et qu'il avait la possibilité d'avoir d'être instruit dans cette mas'ala. طيب قال الشيخ مقبل ابن هادي الواجعي رحمه الله قد اختلف أهل العلم أو أهل السنة قد اختلف أهل السنة أنفسهم في العذر بالجهل في التوحيد والذي يظهر لي أنه يعذر بالجهل. طيب هذا الشيخ مقبل يدي les gens d'Ahlus Sunnah ils ont divergé sur le sujet est-ce que la personne est pardonnable ou excusable par son ignorance dans les points concernant le tawhid. Ensuite il dit walladhi yadhharu li annahu ya'dharu bil jahl. Ce que je vois de plus juste, c'est que il est pardonnable et excusable pour son ignorance. Ça c'est qui a dit ça? Cheikh Mourvel Al-Wadi. Non. وهذا لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Et ceci par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a vu, et certes nous ne châtions pas avant que leur vienne un messager. ولقول الله تعالى حاكيا عن الحواريين حيث قالوا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Et lorsque les apôtres de Isa ont dit est-ce que ton Seigneur est capable de faire descendre sur nous une table servie venant du ciel. فما قال عيسى إنكم قد كفرتم. Et Isa il leur a pas dit certes vous avez mécru. Parce que le fait qu'il doute dans la capacité d'Allah, ce simple doute là c'est du coup. نعم. فعيسى ما قال لهم إنكم قد كفرتم ولكن قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Il leur a dit craignez Allah si toutefois vous êtes croyants. وكقوله تعالى في شأن أصحاب موسى. Et c'est aussi comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des compagnons de Moussa. اجعل لنا آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. Ô Moussa, accorde-nous une divinité ou fais-nous une divinité comme eux ils ont une divinité. C'est-à-dire après que le peuple de Banu Israël, ils ont échappé de Pharaon, ils ont dépassé la mer, ils sont passés devant un peuple qui adorait une quelconque divinité. Je ne sais plus si c'est un arbre ou quelque chose comme ça. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit à Moussa, oh Moussa, accorde-nous une divinité comme eux là, afin qu'on l'adore. Et Moussa, il leur a dit quoi ? قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Certes, vous êtes un peuple d'ignorants. Vous êtes un peuple d'ignorants. نعم. فشير مغفل يستدل بهذه الأدلة على أن يعني لا بد من إقامة الحجة حتى في مسائل الظاهرة ومسائل التوحيد إلى أن ذكر قصة الرجل الذي شك في قدرة الله فأمر أولاده أن يحرقوه بعد موته خوفا من عذاب الله. Et vous connaissez l'histoire de la personne qui avait tellement peur d'être châtié après sa mort qu'il a demandé à ses enfants avant de mourir, quand je vais mourir, brûlez-moi et prenez mes cendres et répartissez-les dans la mer. Pourquoi il a fait cela, cette personne-là? Parce qu'il pensait que de par cela, il allait échapper au châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Et dans le hadith, c'est un hadith authentique, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a rassemblé son corps, il lui a demandé qu'est-ce qui t'a poussé à demander cela à tes enfants. Et lui il a dit c'est par peur de ton châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith, quand son serviteur lui a dit cela, il a dit si c'est par peur que tu as fait cela, alors tu es pardonné et je te fais entrer au paradis. Et il l'a fait rentrer au paradis. Donc ça prouve quoi? Parce que le fait qu'il doute dans la capacité d'Allah de ressusciter les morts ou de rassembler ses membres ou quoi, ça a la coffre. ومع ذلك ما كفر بل الله سبحانه وتعالى أكرمه بالجنة. Donc tout ça, ça montre que la personne, quoi qu'il arrive, on se doit de lui faire iqamat al-hujja. نعم. قال وهذا الرجل يشك في قدرة الله كما أن الحواريين شكوا في قدرة الله فهذه أدلة تدل على أنه يعذر بالجهل والذين لا يقولون بالعذر بالجهل ليس لهم أدلة ناهضة. Et ceux qui disent que ils sont pas pardonnés par l'ignorance, en gros, ils sont dans une terre d'islam, donc ils n'ont pas d'excuses. Ils ne sont pas pardonnés par l'ignorance. Cheikh Al-Mukbel dit, ah voilà, ceux qui disent cet avis, ceux qui sont de cet avis, c'est-à-dire Cheikh Al-Islam, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, wa Lajna Siddaima, ou Jamir yani Mamlaka fil Arabiya, Mamlaka Saoudia al-Arabiya, ma ada Cheikh Salih al-Uthaymeen, Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen wa Ba'd al-Mashaykh. Cheikh Mourbil dit que ces gens-là, ils n'ont aucune adilla. Ils n'ont pas de preuves nahida. Des preuves qawiyya. Des preuves fortes. Pour dire comme quoi non. Haoula, ils ne sont pas pardonnés. Par leur ignorance. Il en qala, فَبِمَا أَنَّ الْمَسْأَلَ خِلَافِيَّةَ بَيْنَ أَهْلِ السُنَّةِ فَالْمُخَالِفْ لَا يُحْكَمْ عَلَيْهِ لَكِنْ الرَّاجِحْ أَنَّهُ لَا يُحْكَمْ عَلَيْهِ بالبدع لا يحكم عليه بالبدع. Donc ça c'est une masala khilafiyya. Demain si toi tu viens, tu choisis la parole qui dit comme quoi ceux qui sont à terre d'islam et qui sont tombés dans des trucs, dans des affaires qui sont claires de la religion, on ne doit pas leur faire iqamat al-hujja. C'est un khilaf. Toi tu vois l'autre côté, tu dis on doit leur faire khilaf, yani on doit leur faire iqamat al-hujja. Il n'y a personne là, de ces deux paroles, qui va sortir de la sunna parce qu'il a choisi un de ses avis. Vous avez compris? Parce que c'est une masala khilafiyya. C'est comme la masala sur Tariq Salah. Tariq Salah, celui qui laisse la prière, il y en a qui disent que c'est un kafir, s'il le fait, ça casse l'homme. Il y en a qui disent que c'est pas un kafir. Tu vois? Alors peu importe la parole que tu choisis, ton choix, il ne va pas te mettre tu vas pas être rendu innovateur parce que tu as choisi un tel choix. Bal c'est une masala khilafiyya wa al-khilaf fihi kama taqaddam khilafun qawi lakin ar-rajih annahu yu'dhar bil jahl. Donc Cheikh Cheikh Mokbel yu'dhar bil jahl wa su'ila 'amman sabba Allah ma hukmuhu فقال هذا ينظر إلى حاله أو عاقل ينظر إلى حاله ما أدري إيش عاقل طيب. Ils lui ont demandé au sujet, c'est-à-dire à Cheikh Mourbil, ils lui ont posé la question, ils lui ont demandé au sujet de celui qui insulte Allah, quel est son jugement. فَقَالَ هَذَا يَنْظَرْ فِي حَالِهِ وَعَارْ فِي حَالِهِ أَوْ عَاقِلْ أَلْهُوَ هَلْ هُوَ عَاقِلْ أَوْ لَيْسَ بِعَاقِلْ. On doit regarder tout d'abord dans sa situation. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il a est-ce qu'il raisonne? Est-ce qu'il a sa raison? Ou est-ce qu'il ne raisonne pas? Il est fou. فإن كان غير عاقل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع الكلام عن ثلاثة وذكر منه المجنون حتى يعي. نعم. والمرجع Et là où on peut retrouver cette parole-là, elle est dans le kitab Gharrat al-Ashrita ala ahli sunnati ala ahli al-jahl wa safsafa. Gharrat al-Ashrita. طيب on اكتفي بهذا القدر وإلى هنا سبحانه وتعالى شهدوا أن لا إله إلا أنت نستغفرك